Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, premier numéro d'une série de trois consacrée aux tentatives malheureuses pour la présidentielle. Soit des candidats que l'on prenait très au sérieux, champions des sondages en automne, mais disqualifiés au premier tour au printemps, soit des candidats qui auraient mieux fait de s'abstenir, tant ils ont été battus à plate couture, Gaston Defferre est de ceux-là. Baron du PS, inamovible député-maire de Marseille, résistant de la première heure, sénateur, ancien ministre de la 4e République, Defferre présente un CV politique long comme le bras et possède un atout de premier choix, un journal, le Provençal, sur lequel il conservera la mainmise jusqu'à sa mort. Autant dire que cet homme avait la taille critique pour se lancer dans la présidentielle au nom des socialistes. Ce qu'il fit, d'abord en 62 avant de se retirer de la course, en 63 avant de se retirer de la course in extremis, puis en 69 où il ne recueillera que 5% des voix, pire que Benoît Hamon qui incarne pourtant le déclin du PS, mieux tout de même que Anne Hidalgo qui vient peut-être de lui donner l'extrême onction. Notre invité aujourd'hui, Laure Olivier, docteur en histoire, auteur d'une thèse sur Gaston Defferre, précisément. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. On imagine mal l'événement que représente, il y a 57 ans, la première élection du président de la République au suffrage universel. De Gaulle règne sur les destinées de la France depuis son retour au pouvoir en 1958. Et l'idée lui a pris de faire élire le président de la République au suffrage universel. Il a proposé la mesure aux Français qui ne se sont pas fait prier et qui ont dit oui lors du référendum de 1962. Alors les partis présentent des candidats pour cette prochaine présidentielle, les socialistes comme les autres. À l'époque, la figure majeure de la gauche non communiste, c'est Pierre Mendès France. Mais l'ancien président du Conseil s'y refuse. Pas question de participer au régime de la 5e République, qui donne tant de pouvoir à un seul homme, le président. Non, Mendès est bien trop attaché à la République parlementaire. Alors, c'est Gaston Defferre qui se dévoue. Né en 1910 à Marcy-Argues, dans l'Hérault, il passe une partie de sa jeunesse au Sénégal, où son père, avoué à Nîmes, a ouvert un bureau. Rentré en France avec sa mère, il suit des études de droit avant de s'inscrire au barreau de Marseille en 1931. Son premier employeur, maître Renaudin, l'a connu à l'âge de 22 ans. Il en fait le portrait à la veille de sa mort. Tout de suite, j'ai été séduit par sa bonne éducation, sa courtoisie. Et il était tout de suite, je m'en suis rendu compte, très intelligent. Et il était un gros travailleur. Je pensais dès ce moment-là qu'il était promis à de très hautes destinées. Est-ce que vous pensiez qu'il ferait une carrière politique aussi brillante ? Je ne pensais même pas qu'il ferait une carrière politique. En 1933, Gaston Defferre devient militant socialiste et s'inscrit à la 10e section SFIO de la ville, la SFIO, l'ancêtre du PS, parti qu'il soutiendra sans défaillance, comme il soutiendra plus tard le Parti socialiste. L'occupation lui donne l'occasion de démontrer son courage et sa détermination physique. Fin 1940, il entre en résistance au sein du réseau Brutus, dont il prendra la direction fin 1943. Parallèlement, il prend part à la création du Conseil national de la Résistance aux côtés de Jean Moulin. Et il était auprès de lui également la veille de son arrestation à Caluire, le 20 juin 1943. Fait d'armes remarquable. De bonne guerre, il en profite pour se lancer en politique dès la paix revenue, délaissant sa robe d'avocat. Oui, son métier désormais et pour la vie, ce sera la politique. À la libération de Marseille, le 21 août 1944, il s'empare du journal Le Petit Provençal, qui avait continué à paraître durant l'occupation avec l'aide du truand Nick Venturi. Le contrôle du quotidien, qui deviendra Le Provençal le 23 août 1944, l'aidera longtemps à maintenir son pouvoir à Marseille. Il y est élu maire pour la première fois le 30 août 1944, pour jusqu'au 27 novembre 1945. De 1945 à 1947, alors que le Parti communiste est tout puissant, Gaston Defferre s'impose peu à peu comme un rempart et gagne le soutien d'une bourgeoisie à laquelle il est désormais attaché par des liens familiaux. En 1953, il est réélu maire. Il le restera jusqu'à sa mort. Marseille, c'est le fer, et le fer, c'est Marseille. L'écrivaine Edmonde Charleroux, qu'il épousera en troisième noce en 1973, l'explique sur le plateau d'Apostrophe le 6 janvier 89. La quatrième épouse de Gaston de Fer, car il n'a pas eu que trois épouses, il en a eu quatre. La quatrième a été la plus exigeante de tous. Elle était toujours là. Elle le faisait revenir à Marseille quand il était en mer. Et il dînait avec des amis, il fallait qu'il aille s'occuper d'elle. Et elle n'est pas tellement là, parce que cette quatrième épouse, c'est Marseille. Ministre de la France d'Outre-mer en 1956 dans le gouvernement de Guy Mollet, Gaston de Fer manifeste son anticolonialisme en faisant voter une loi cadre qui porte son nom et dont on s'accorde à dire qu'elle a évité à l'Afrique noire l'aventure algérienne. Il prend également position pour l'indépendance de l'Algérie. Fin 62, la France est en paix. La guerre d'Algérie est terminée suite aux accords d'Évian la même année. Le franc est stable et le pays connaît une expansion sans précédent depuis la fin de la guerre. À l'Élysée, le général de Gaulle dirige un pays qu'il n'imagine pas sans lui. De Gaulle, c'est la France, et la France, c'est de Gaulle. Profitant des circonstances exceptionnelles, il s'est taillé sur mesure une constitution qu'il a placée à la tête de l'État, dotée de pouvoirs sans commune mesure avec ceux qu'exerçaient ses prédécesseurs. En 1962, par référendum donc, il soumet l'élection du président de la République au suffrage universel. Universel, et il s'exprime à ce sujet le 18 octobre. Je crois que quoi qu'il arrive, la nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président afin que cette investiture directe puisse lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. Moi ou le chaos ? De Gaulle, qui va avoir 75 ans, ne présente pas aux Français de programme précis, d'objectifs, de perspectives détaillées, non. Il leur demande juste de lui confirmer leur confiance sous peine d'écroulement et de confusion. Résultat, le oui l'emporte avec 62% des voix circulaires. La suite, eh bien c'est 3 ans plus tard, donc décembre 1965, la présidentielle à portée de tous. Ce pouvoir-là passe des parlementaires au peuple. À gauche, on cherche un candidat crédible. Oui, crédible, parce que Mendès France ayant décliné, qui tient la route désormais ? Le Club Jean Moulin, rassemblement d'intellectuels et de hauts fonctionnaires fondé en 1958, planche sur la question. Il y a bien François Mitterrand, star de la gauche. Mais l'attentat de l'Observatoire, dans la nuit du 15 au 16 octobre 59, lui a coûté cher. Une histoire glauque de faux attentats contre lui, mais qui n'était que de mise en scène pour se faire valoir. En vérité, Mitterrand est tombé dans un piège tendu par un dénommé Pesquet, ancien de l'Algérie française. Il s'agissait bel et bien de discréditer François Mitterrand, ce qui a fonctionné. Donc, pour les socialistes, pas question de miser sur un cheval aux sabots souillés. C'est alors que l'hypothèse Gaston de Fer émerge. Dans ces conditions, il apparaît comme un candidat résiduel, certes, mais de qualité. Figure importante du socialisme français, réputé ouvert, maire d'une grande ville où il a pu développer ses capacités de gestion, et puis, il est peu suspect de sympathie avec les communistes. Bon profil, somme toute. Une personne très influente en France en est entièrement convaincue. C'est Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui connaît le maire de Marseille depuis plus de 10 ans. Polytechnicien, journaliste, fondateur de l'Express en 53, il se trouve que JJSS séduit de faire. Et il se trouve qu'en cette année 63, l'hebdomadaire cherche à réenchanter la gauche, une gauche moderniste qui accepte les institutions de la Ve République. Françoise Giraud, alors directrice de l'hebdomadaire, se souvenait des premières rencontres entre les deux hommes lors de l'émission Marseille façon de faire en février 2002. Jean-Jacques a pensé, je crois qu'il a eu raison, qu'il fallait persuader de faire d'être l'homme de cette situation. Il avait tous les traits nécessaires en apparence, bon socialiste, il était assez populaire. Il a accepté. Pour le provincial qui restait Gaston Defer, Servan Schreiber incarne le brio parisien, le savoir-faire, l'agilité sociale. Alors, JJSS a-t-il fait les premières approches ou est-ce le club Jean Moulin qui a joué les go-between entre les deux hommes? Toujours est-il qu'à la fin de l'été 63, une délégation du club, menée par le secrétaire général Georges Suffert, rencontre Defer. À l'issue de la réunion, le baron de Marseille ne dit ni oui ni non. Autrement dit, il va réfléchir. Mais pas longtemps. Affronter de Gaulle le séduit et puis, il aime l'idée d'avoir à défendre et promouvoir une gauche moderne, dynamique, capable de bouleverser le jeu politique. D'autant que JJSS a une idée de génie, allez, disons-le comme ça. Faire dans un premier temps de Gaston Defer le candidat mystère. Désormais, Defer va s'en remettre à JJSS comme à un gourou. Le 19 septembre 1963, l'Express lance en France la première campagne de marketing politique. Il affiche à la une l'image d'un candidat dont le nom demeure inconnu. C'est Monsieur X, dont l'hebdomadaire ne publie que la silhouette indéchiffrable. En revanche, sa pensée est claire. Il refuse le retour de la 4e République, ne veut pas passer d'accord avec le PC et s'inspire du président américain John Kennedy. Côté ressemblance physique, ça n'a rien d'évident, mais bon, plus mystérieux encore. Le lecteur ne sait même pas si ce Monsieur X existe. Non, seul son portrait robot est publié dans l'Express. Il a près de 50 ans, il entretient de bonnes relations avec les notables et fréquente aussi les responsables des organisations ouvrières, agricoles, étudiantes, les techniciens de la planification et de l'équipement régional. Monsieur X se renseigne auprès de Jean Monnet sur les questions européennes, de Mendès France sur les méthodes de gouvernement, de Gaston Defer sur l'administration d'une grande ville et de François Mitterrand sur la carte politique de la France. Les unes de l'Express s'enchaînent, qui propulse Monsieur X en outsider de la prochaine élection présidentielle. Monsieur X contre De Gaulle, De Gaulle 53%, Monsieur X 47%, dit-on et lit-on et grand prix de la schizophrénie, Defer est-il Monsieur X? Pendant ce temps, à chacune de ses apparitions publiques, le maire de Marseille feint l'innocence et l'hebdomadaire voit ses ventes grimper en flèche. La mise en scène, digne d'un vrai feuilleton policier, photo maquillée à l'appui, est efficace. La presse ne parle plus que de ce mystérieux challenger du général et tout le monde s'interroge sur son identité. Même De Gaulle s'en amuse publiquement. Dans sa conférence de presse du 31 janvier 64, il en vient à parler de l'avenir et dit: vous m'avez demandé, monsieur, ce que je ferai dans 2 ans. Eh bien, je ne peux pas et je ne veux pas vous répondre. Alors comme ça, pour vous, monsieur X, ce serait le général de Gaulle. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. C'est toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonné, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, la soie où je serai la plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. France Inter, affaires sensibles. Le tout Paris bruit de rumeurs autour du candidat de l'ombre, Monsieur X. On avance les noms de Jean Monnet, Pierre Sudreau, Pierre Mendès France, Maurice Faure et même Gaston Defferre, dont le nom revient de plus en plus dans les coursives de la République. Et c'est le Canard Enchaîné qui va dévoiler le poteau rose en osant fin octobre ses titres. Ce Monsieur X, c'est l'homme au masque Defferre. Bien vu. Mais ce n'est que le 12 janvier 64, soit près de 2 ans avant l'échéance, que le maire de Marseille rend public son intention de se porter candidat. À la condition inévitable que son parti, la SFIO, l'accepte. C'est chose faite lors d'un congrès extraordinaire du parti le 2 février. Parole au candidat. Un candidat à la présidence de la République, au suffrage universel, qui considère que son rôle doit consister à être un arbitre, n'a pas, comme un Premier ministre qui se présente devant l'Assemblée nationale, à exposer un programme avec un calendrier d'exécution. Il doit définir une politique. Il lui appartient, s'il est élu, de former un gouvernement en application de la politique définie devant les électeurs et ratifiée par eux. Bien, reste à faire campagne. En pratique, la conduite de Gaston Defferre consiste, je le cite, à profiter de chaque événement de l'actualité pour préciser une politique différente de celle du pouvoir et d'instaurer ainsi un véritable débat national. Pendant 1 an et demi, il travaille dans ce sens, aidé par une équipe réunie dans l'association Horizon 80, d'où sort un petit livre programmatique intitulé « Un nouvel horizon ». À l'Express, l'exaltation retombe doucement. Chaque semaine, le rédacteur en chef Jean Ferniaud érige la statue du grand rassembleur de la gauche non communiste. Mais dans les meetings, quand il faut se faire lever les foules, le Marseillais savonne. Il s'échine pourtant à tacler la politique du général de Gaulle, comme ici lors d'une réunion populaire en octobre 64. Il existe une dynamique de l'élection du président de la République au suffrage universel face au phénomène gaulliste, qui doit nous permettre de réaliser l'union active, un accord de fond des démocrates pour vaincre l'écrasant appareil dont l'État gaulliste use et abuse. Mais sa campagne sur le terrain est improvisée, chaotique. Defferre est un piètre orateur à la diction hasardeuse. À la tribune, il manque de présence. Devant les militants, il déclenche l'ennui. Une catastrophe. Ça commence à sentir l'erreur de casting. François Giraud en témoignait lors de l'émission Marseille, façon de faire. J'ai toujours pensé, bien que ça ait l'air tout à fait paradoxal, que Gaston Defferre était un homme qui, au fond de lui, avait une certaine timidité. Il n'en avait pas l'air, il avait l'air d'un bravache, etc., d'une grande gueule, tout ça était vrai. Mais en même temps, il avait fondamentalement une certaine malassurance. Pour parfaire son image d'homme d'État, une entrevue est organisée en mars 64 à la Maison Blanche avec Lyndon Johnson, le successeur de Kennedy. C'est un fiasco. Le président américain congédie à la hâte ce visiteur à qui il n'a rien à dire. Defferre sort du bureau ovale accablé. Mauvaise onde. Au municipal d'avril, une alliance entre socialistes et réformistes de droite permet in extremis son succès. En déclarant sa candidature à la présidentielle, Gaston Defferre peut s'appuyer sur cet élan électoral, pense-t-il. Car cette fédération démocrate-socialiste, qu'il appelle de ses voeux, n'est pas sans rappeler le Parti démocrate américain, son modèle. Il s'agit de réunir, à l'exclusion des communistes et de l'extrême droite, un large éventail de partis politiques opposés au général de Gaulle. Le plan est précurseur, audacieux. Cette fédération démocrate socialiste serait, selon les termes d'une motion déposée pour le futur congrès de la SFIO, une formation politique capable d'être majoritaire, faisant appel à tous les hommes de progrès, depuis les socialistes jusqu'aux chrétiens démocrates. Tout naturellement, Defer est appelé à devenir le candidat de cette nouvelle entité politique. Aucun membre des clubs qui constituaient l'ossature idéologique de la campagne de Gaston Defer n'avait pourtant jamais entretenu une victoire de leur poulain, jamais entretenu l'espoir d'une victoire de leur poulain. Cette candidature n'était pour eux que l'occasion d'exposer publiquement des idées qui deviendraient plus tard celles d'une bonne partie de la gauche non communiste. Une candidature de témoignage, comme on dit. Mais au final, les négociations engagées avec les partis sont torpillées par les centristes et certains responsables socialistes. Le point d'achoppement, c'est la laïcité et les références au socialisme. Des centristes comme Joseph Fontané ou Jean Le Canuet ne veulent même pas qu'on prononce le mot. Et là, c'en est trop. Gaston Defer jette l'éponge et rentre à Marseille. La voie pour une candidature Mitterrand est libre. On oublie le scandale de l'Observatoire, il faut un candidat recours. Michel Cotta écrit dans l'Express « Je suis sûr qu'il est soulagé de faire tant qu'il en avait assez de la pression qu'exerçait sur lui Jean-Jacques Servan-Schreiber et tous ceux qui croyaient en lui. » Marseille, dont il connaissait les hommes et les rouages, était son territoire. Là, il était le maître absolu, ne se privant jamais de le rappeler. Mais Paris, la France, un costume trop grand pour lui. Les élections présidentielles au suffrage universel auront fait d'entrée une victime, l'abstentionnisme. C'est en masse que les électeurs sont venus choisir parmi les 6 candidats celui qui leur semblait le plus apte à la magistrature suprême. 28 millions... En décembre 65 a lieu le premier tour. Le général de Gaulle, qui croit avoir un boulevard devant lui, récolte 44% des voix. Le voilà donc en ballotage avec François Mitterrand, qui totalise près de 32% des suffrages. Vexé, de Gaulle envisage un moment de tirer sa révérence. Mais finalement, il reste. Au second tour, il remporte la mise avec un peu plus de 55% des voix. Auréolé d'une défaite qui ressemble à une victoire, François Mitterrand martèle son idée force. La seule stratégie possible pour lui, c'est l'union de la gauche. La preuve, s'il a accédé au second tour, c'est bien grâce au soutien des autres partis de gauche, y compris les communistes. L'idée fera son chemin. D'ailleurs, Mitterrand la relance aux législatives de 67, qui verront la victoire de la majorité d'une très courte tête. Que sommes-nous, Françaises et Français, sinon l'expression moderne d'une grande tradition, celle qui a toujours exigé que ce qui était le privilège de quelques-uns devint un jour le droit de tous? Qui sommes-nous, sinon les défenseurs du bonheur et de la liberté de l'homme, face à la glorification du pouvoir personnel et de l'État sans âme? Qui sommes-nous, sinon les défenseurs des citoyens, des travailleurs et des consommateurs, face à l'exercice d'un pouvoir arbitraire? Oh, mais ne voyez pas dans cette attitude je ne sais quelle tentation d'anarchie ou bien le refus d'un ordre nécessaire. Tout simplement, nous avançons au-devant de l'histoire. En 65, Defer avait déposé les armes avant d'avoir combattu. Regret, peut-être. En tout cas, voilà qu'il ressurgit et se lance dans la présidentielle de 69. Mais que va-t-il faire dans cette galère, se demandent ses amis. La France est dans tous ses états. Le général de Gaulle s'est retiré en avril 69, après avoir été désavoué sur les réformes qu'il proposait par référendum. Le vieux président, ébranlé par mai 68, ne comprend plus le pays. Sur le front politique, après les événements de mai, paradoxalement, la droite semble plus forte que jamais, alors qu'à gauche, les divisions éclatent au grand jour. Face à cette réalité instable, François Mitterrand préfère se tenir à l'écart et conseille à Defer d'en faire autant. Les conditions qui avaient permis en 65 d'entrevoir une alliance portant les idées de la gauche réformiste ne sont plus réunies. Mais, moyennement convaincu, le maire de Marseille se lance quand même. Et dès le lendemain de la démission du général de Gaulle. Je suis candidat. Le comité directeur de la SFIO, à l'unanimité, m'a désigné. Dimanche prochain doit se tenir le congrès constitutif du nouveau parti socialiste. c'est ce congrès, cette instance nationale, et qui devra désigner notre candidat. À droite, pour cette élection, Georges Pompidou, l'héritier du gaullisme, version moderne, et le candidat de centre droit Alain Poher, version poussière. On dira un classique de la 4e République. À gauche, pas moins de 4 candidats majeurs. Le communiste Jacques Duclos, dernier homme politique à rouler l'air, Michel Rocard, pour le PSU, un jeune homme très remarqué, Alain Krivine, porte-drapeau des trotskistes, et donc Gaston Defer, adoubé par les socialistes. En vérité, le candidat est cornaqué par un sage, un certain Pierre Manès France. Et c'est encore une suggestion de Jean-Jacques Servan-Schreiber, son disciple. Il le rêve Premier ministre si Defer est élu. Et ce ticket présidentiel est officiellement annoncé lors d'une conférence de presse le 15 mai 69. L'élection présidentielle est certes très importante, mais dans notre conception, la totalité des pouvoirs n'est pas entre les mains du chef de l'État. Le gouvernement doit jouer son rôle, c'est lui à qui il appartient de déterminer et de conduire la politique de la nation. Et c'est pourquoi j'ai demandé à M. Pierre Mendès-France de bien vouloir être ici aujourd'hui. Il a annoncé tout à l'heure qu'en accord avec moi, il acceptait d'être le Premier ministre du gouvernement qui sera constitué si je suis élu. Ainsi, les Français sauront quelle politique sera faite pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. Mais que fait Mendès dans cette aventure très 5e République, lui qui rejette la nature de ce régime? D'ailleurs, comment pourrait-il en diriger le gouvernement? La proposition est incohérente. Et ce n'est pas un hasard si sur les écrans de télé en noir et blanc, les prestations du couple de Fer-Mendès sont sinistres. Le premier, le plus souvent cafouilleux, le second promet de la sueur et des larmes afin de redresser la situation économique. Pour mobiliser, on fait mieux. Pourtant, leur programme est solide, détaillé, sur tous les grands sujets. Défense de la monnaie face à l'inflation, nécessité du développement industriel, création d'une banque nationale de l'investissement, priorité donnée à la formation des jeunes, accent mis sur la construction de logements, importance accordée à une Europe élargie, à la Grande-Bretagne. Un vrai programme. À écouter ces deux hommes, on se dit que la rigueur de l'un et la volonté de modernisation de l'autre pourraient donner de bons résultats. Mais qui les écoute? On entend ici Pierre Mendès-France lors d'une allocution télévisée. Quand on pense que le niveau de vie, le pouvoir d'achat a ainsi stagné depuis des années, je dis qu'il ne devrait pas y avoir un salarié en France qui vote pour les hommes qui sont responsables de cela. Quand on pense au piétinement du logement, de la construction, je dis qu'il n'y a pas un mal logé en France qui devrait voter pour ceux qui sont responsables de cela. Quand on parle de l'emploi, je dis qu'il n'y a pas un jeune en France à la recherche de travail qui devrait voter demain pour les hommes qui sont responsables de cela. Or, je sais bien, vous l'avez dit tout à l'heure, de faire. Monsieur Pompidou nous annonce que tout va changer et que demain il fera le contraire de ce qu'il a fait hier. Mais ce qu'il a fait hier, nous continuons à subir des effets. Et le premier effet, c'est ici que je réponds à la question de Prioret. Le premier effet, c'est l'effet monétaire. Parce que cette lenteur économique, ce sous-emploi, ce piétinement, cette insuffisance de dynamisme industriel, cette insuffisance de compétitivité dans tous les domaines, eh bien c'est naturellement la monnaie qui en subit les effets, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de tous les Français. La voix de Mendès. Defer, de son côté, ne ménage pas sa peine. Il répond à toutes les demandes d'interview, écrit aux fédérations socialistes, rédige tracts et professions de foi, prépare ses interventions télévisées. Mais son équipe de campagne est très réduite. Elle est constituée de Roger Quillot, Eric Hinterman et, dans une moindre mesure, de Michel Charras. Pierre Mendès-France ferme le banc. Le soir du dimanche 1er juin 69, le verdict tombe. Georges Pompidou arrive nettement en tête avec près de 44% des voix devant Alain Poher, 23,4%. Suit Jacques Duclos, le candidat communiste, 21,5%. Mais pour Defer, c'est la débâcle, 5,1% des suffrages. 5. Jamais au XXe siècle, les socialistes n'étaient tombés aussi bas. La moyenne de la SFIO, au pire moment, c'était 12%. Gaston Defer assume la défaite, pleinement. Lorsque Michel Cotta, la journaliste chargée par l'Express de suivre sa campagne, se rend à son QG, elle le trouve seul dans son bureau. Remis de ses émotions, entouré de Pierre Mauroy, Pierre Bérégovoy et Roger Quillot, il trouve même, selon la journaliste, le moyen de plaisanter dans une atmosphère pourtant lugubre. Se refusant à faire une déclaration à la presse, beau joueur, il lâche finalement un mot devant les caméras de télé. Je veux faire une simple déclaration ce soir. Pour un homme politique, ce qui est important, c'est de se battre. Il n'est jamais déshonorant d'être battu. Par contre, il peut être déshonorant de ne pas avoir le courage de se battre et surtout de ne pas avoir le courage de continuer à se battre. Je ne peux pas dire que ce soir ait été une bonne soirée pour moi, mais je n'ai pas perdu courage et je continuerai avec mes amis à me battre pour les idées que j'ai défendues au cours de la campagne électorale. Quelles sont finalement les raisons de cet échec? On constate d'abord que Defer s'est fait tondre la laine sur le dos. La partie la plus droitière de la SFIO a parié sur Poher. Celle qui, en revanche, au sein du parti, s'est montrée le plus en faveur de l'Union de la gauche, a voté pour Jacques Duclos. Quant aux plus jeunes, ils se sont tournés vers Michel Rocard, qui incarnait le romantisme révolutionnaire de mai 68. À Defer, il restait les miettes. Un scénario qui, sur le fond, ressemble à bien des égards à la situation de Valérie Pécresse aujourd'hui pour la droite. Sur la forme aussi, avec deux personnes qui en campagne n'impriment pas. Or, la présidentielle, c'est une question d'incarnation. Le second tour oppose donc Alain Poher à Georges Pompidou. Pour les électeurs de gauche, c'est le goût des autres. Le maire de Marseille appelle tout de même à voter pour Alain Poher. On connaît la suite, c'est Georges Pompidou qui l'emporte avec plus de 58% des suffrages exprimés. Une élection comme on en connaît aujourd'hui avec une gauche exclue comme prise en otage. En 69, Alain Duclos d'ailleurs aura ce mot, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. En tout cas, on ne l'y reprendra plus. Gaston Defer ne sera plus jamais candidat à l'élection présidentielle. En 1974, il soutient naturellement la candidature de François Mitterrand, tout comme en 81. Et il hérite d'un gros portefeuille, le plus important du gouvernement après le Premier ministre, l'intérieur et la décentralisation, ministre d'État, s'il vous plaît, de 1981 à 1984. Les lois de décentralisation portent son nom. Il est ensuite ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire. Et ce, tout en restant bien sûr maire de Marseille jusqu'à sa mort en mai 1986. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Stop. parleront toujours de toi. Affaires sensibles, premier numéro de notre série sur les candidats à la présidentielle pour lesquels les choses ne se sont pas très bien passées tout au long de la 5e République. Aujourd'hui donc, Gaston Defferre, dont nous allons parler avec une spécialiste de son parcours, Anne-Laure Olivier. Bonjour. Bonjour Fabrice Douel. Docteur en histoire, auteur d'une thèse sur Gaston Defferre, professeur en classe préparatoire littéraire à Poitiers, thèse sur Gaston Defferre. Pourquoi lui? Alors effectivement, le personnage est à la fois intéressant, attachant. C'est pas forcément un monstre de l'histoire de la politique française. Alors, pourquoi lui? Vous savez, quand on choisit un sujet, il y a toujours des raisons intimes aussi. Alors, vous êtes marseillaise? Il se trouve que je suis marseillaise. Ah. Et je voulais travailler sur la gauche, et je trouvais qu'il y avait un personnage presque romanesque chez Defferre, un grand résistant, et en même temps quelque chose d'assez inabouti dans sa carrière, du fait justement de ces deux échecs successifs, et en même temps quelqu'un qui a une longévité assez extraordinaire, qui est vraiment emblématique des longévités, enfin qui est même un cas extrême, hein, des longévités des carrières en France. Et donc j'étais très intéressée par cette capacité en même temps à rebondir et à côtoyer encore les sommets dans les années 80 finalement. Et au-delà de ce que nous avons dit dans le récit, que représente Gaston Defferre dans l'histoire et la filiation des socialistes français? Alors, je crois qu'il a, il est emblématique de cette génération qui est arrivée, qui a été nourrie par, qui a vécu le Front populaire, qui a été nourrie de cette mémoire du Front populaire, du contact avec Blum dans le cadre Defferre, qui est passée par l'armée des ombres et qui est arrivée aux commandes et aux responsabilités du fait de cette promotion qui a été, hein, c'est une génération de la résistance, qui a été marquée par ces années. Et qui a été confronté, peut-être plus encore que d'autres, au remords du pouvoir, hein, pour prendre le titre du beau livre d'Alain Bergougnou et Gérard Gambert, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir avec les compromis que ça implique, y compris par rapport à ses principes, à ce que l'on voudrait faire et à ce que l'on fait finalement. Et puis, qui a été confronté à des enjeux énormes, la guerre froide, les décolonisations, la crise du régime née de la libération, l'affaire algérienne, et la 5e République et cette élection présidentielle qui a priori n'était pas dans l'ADN de la gauche et à laquelle il a failli se convertir. Alors il était flanqué de Mendès France. On peut dire que le logiciel politique de Gaston Defferre, il est social-démocrate probablement. Est-ce qu'il est social-démocrate? Est-ce qu'on peut le définir par rapport à une référence qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à cette référence-là? Alors, je dirais qu'il admire la social-démocratie de l'Europe du Nord. Et je rappelle que le congrès du Bad Godesberg, du SPD allemand, intervient en 59. Mm-hmm. C'est le congrès pendant lequel les sociaux-démocrates, enfin les socialistes allemands, effacent tout rapprochement et toute référence au marxisme. C'est important, c'est une vraie rupture. Et ça a construit la social-démocratie moderne. Bien sûr. Et il admire ce modèle de faire, qui côtoie dans les réunions de l'Internationale socialiste d'un certain nombre de groupements. Donc, il connaît ces hommes politiques. Mais en France, la situation est différente. Et vous me dites, est-ce qu'il est social-démocrate? Il aimerait l'être. Mais la social-démocratie, on dit à la française, parce que en tant que telle, venue du Nord, elle n'existe pas vraiment. En France, il y a un modèle particulier, il y a des conditions particulières qui sont la puissance du Parti communiste, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui fait et qui pèse sur le positionnement de la SFIO, sur son identité, sur sa culture et sur son programme, et qui empêche à l'évidence un aggiornamento à la manière de ce qu'a pu faire le SPD allemand. Il faut faire avec ce parti communiste. Et c'est vraiment d'ailleurs la question qui est au cœur de ces deux candidatures dans les années 60. Et c'est pour ça que François Mitterrand promeut l'idée d'un rapprochement, enfin d'une alliance électorale avec les communistes, ce qu'il fera à partir du congrès d'Épinay en 71 et qui le mènera jusqu'à la victoire. Alors, on a beaucoup glosé maintenant sur les accointances de Defer avec le milieu marseillais. Bon, qu'en est-il exactement ? Quelle est la part de légende, de médisance et peut-être de vérité ? Alors, elles existent. Elles sont pas spécifique à Defer, elle n'arrive pas avec Defer, ces liens-là entre le milieu politique marseillais et la pègre, hein, le crime organisé, il existe dès l'entre-deux-guerres. Alors, du côté de ce qui deviendra l'extrême droite autour de Simon Sabiani avec les fameux Carbone et Spirito, qui tient la mairie hein, jusqu'en 35 et qui les reconnaît comme ses amis. Mais les socialistes, dans un contexte de violence politique très forte, hein, où la victoire dans les urnes se prédit d'abord et passe d'abord par le combat dans la rue, hein, dans ces années 30, et notamment face au Parti communiste hein, dans l'entre-deux-guerres, les socialistes ont aussi des liens avec le milieu et avec certaines valeurs montantes du milieu, que sont les Guérini. Lien qui subsiste et qui subsiste encore à la Libération. Alors Defer a deux visages, parce qu'il est celui qui s'impose à la Fédération Socialiste et à Marseille en faisant le ménage et en se débarrassant notamment, enfin en tout cas, en se posant comme le fer de lance de la lutte contre les Guérini, parce qu'il s'en débarrasse pas tout de suite, mais en même temps, dans un contexte d'entrée dans la guerre froide très vite, et de violences liées à la décolonisation et mobilisation autour de la décolonisation, on a besoin de militants aussi musclés que militants. Enfin, on a besoin de costauds. Et ces costauds, on regarde pas tellement leur pédigré. Et donc, on a besoin d'un service d'ordre capable de tenir les réunions publiques, capable de faire le ménage sur le port pour lutter contre la puissance de la CGT. Et là, tout ce petit monde se retrouve. Et vous avez parlé de Nick Venturi. Dans le cas de Defer, cette proximité, elle lui vient du combat clandestin hein, et de la résistance. Et c'est pas le seul. C'est-à-dire que des liens ont été créés dans ces années-là avec un milieu qui a joué sur les deux tableaux en général hein, et qui allait au plus intéressant. Mais certains ont véritablement rejoint les rangs socialistes, alors plus ou moins sincèrement et avec plus ou moins d'idées reçues, mais ont participé aussi à la libération de Marseille. Et c'est le cas du jeune Dominique Venturi qui voilà, est sans activité officielle à l'époque et qui se fera après remarquer dans le trafic de cigarettes et qui sera soupçonné par les Américains hein, d'être un des gros bonnets de la French Connection. Donc cette histoire-là va loin. Ça rappelle pour la droite un peu l'histoire de Charles Pasqua, mais pas pour tout ce que vous venez de dire, évidemment, mais notamment la résistance aussi, Pasqua, il y a une solidarité droite-gauche entre ces résistants. Mitterrand, Pasqua avaient, je crois, des relations cordiales au nom de cette résistance. Et puis il y avait le SAC aussi, un service d'ordre du côté de Pasqua. Il y a comme ça une pratique politique qui vient effectivement des réseaux de résistance, des complots pour la bonne cause à l'époque, mais qu'ils ont repris dans la vie politique en tant que texte, moi, la bonne cause. Mais il y a cette dimension-là d'une génération politique. Il y a des liens qui ont été fondés dans la résistance. Et après, il y a l'intérêt bien compris de chacun. Et on a besoin de ces hommes-là pour assurer un service d'ordre dans des moments de crise. C'est-à-dire jusque dans les années 60. Bien, Anne-Laure, Olivier, on se retrouve dans 3 minutes. On écoute Joy Crooks, Kingdom. My Benson, England's blowing smoke and needs attention. Could use a lick of paint to change a color before they send us back across the water. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but they won't stand down no matter what you say or do. How do you learn to love if you're not taught to? You dream of freedoms on a curfew. Paying the price to live in our skin is wearing me thin. Who's got love for the taking? Who's got heart for the aching? No such thing as a kingdom when tomorrow's done for. euros at the station, visiting the bank for bread and butter. Don't want to see no doctor when we suffer. Think I got a neighbor that's been feeling blue, but maybe that's a symptom. Fucking with a kingdom that never fought for you. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Alors Olivier, on parlait de la façon dont Gaston Defer, qui était maire de Marseille si longtemps, a géré sa ville. Est-ce qu'on peut parler de clientélisme concernant Defer comme d'autres, hein? Oui, absolument. Alors c'est vrai que le terme est péjoratif. Oui. Je connais pas beaucoup de responsables politiques qui se construisent pas localement sans construire une clientèle. Mmh. Voilà. Donc effectivement, ça dépend des proportions. Ça dépend des proportions. On est d'accord. À Marseille, Marseille est gouvernée sur un fonctionnement un peu pyramidal, avec un certain nombre de petits notables qui tiennent des quartiers, des circonscriptions, et qui redistribuent, hein, les ressources symboliques et matérielles qui viennent notamment de la détention de la mairie en 1953, ce qu'ils appellent poliment la politique du service rendu, et qui fonctionne bien à plein dans les années 60. Du service public au service rendu. En tout cas, Gaston Defer dégage une vraie honnêteté intellectuelle, je trouve, hein, sur les idées, son anticommunisme, mais son ancrage à gauche. Il rêve d'une sorte de parti démocrate, hein, on l'a dit, démocrate à l'américaine. Il croit ce qu'il dit et il dit ce qu'il croit, ce qui n'est pas toujours finalement la recette du bonheur pour des politiques. Est-ce que finalement, quand on voit son ancrage marseillais très fort, c'était un provincial avant tout. Est-ce que ça pourrait expliquer une partie de sa défaite? Je crois pas que ce soit un provincial. Ça serait oublier son rôle national, très grand, à la fois au sein du Parti Socialiste, SFIO comme PS, et son rôle de député et de ministre, et son rôle Outre-mer de législateur. Et son rôle de législateur. Ouais. Defer est un homme de dossier, qui aime l'action, et qui aime les choses faites et bien faites et concrètes. Il est le père de deux grandes lois, la loi cadre pour la France, pour les colonies d'Afrique subsaharienne en 56. Et puis les lois de décentralisation de 82-83, qui sont des lois importantes, hein, qui ont créé un précédent. Donc je crois qu'on peut pas le réduire à Marseille. C'est justement ce que j'essaie de faire dans mes travaux, de penser au contraire l'articulation entre le local et le national. Ce qui est certain, c'est que l'assise locale est indispensable à sa carrière. C'est un super père notable, enfin il y a peu d'exemples aussi équivalents, vous l'avez dit notamment avec le Provençal, hein, la Fédération Socialiste et la mairie, et que cet ancrage local extrêmement fort est à la fois un atout, hein, et ça lui a permis de durer incontestablement, mais c'est aussi par moments un frein et handicap, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il peut finalement peut-être pas faire ce qu'il veut, parce qu'il faut tenir compte de sa base et des enjeux locaux. Et à l'époque, il y en a deux autres comme ça, il y a Chaban et Bordeaux, et le Canuet, Rouen. C'est un peu le même cas de figure. Alors, Au bout du compte, selon vous, qu'est-ce qui explique le mieux ce piètre score de 5%? En 69, hein, je parle de 69, puisqu'en 65, il va pas jusqu'au bout. Alors, il y a évidemment, comme toujours, hein, plusieurs facteurs. Je crois que entre 65 et 69, je vais dire une évidence, mais il y a eu 68. Oui. Il y a eu 68, la déconfiture aux législatives de juin 68, plus, on l'oublie, mais la répression du printemps de Prague par les soviétiques, qui ont conduit les uns et les autres à penser que l'Union de la gauche était foutue. Et que donc, on pourrait aller en 69 faire barrage à Mitterrand et à l'Union de la gauche. C'est pour ça qu'il y va, hein, c'est pour faire, parce qu'il n'a jamais renoncé à sa stratégie dite centriste, et donc il prend sa revanche sur l'histoire. Mais du coup, il passe pour un diviseur, c'est-à-dire que la convention de François Mitterrand ne le suit pas. Les communistes, évidemment, lui mettent un candidat, mais ça, à la rigueur, enfin, ils le savaient. Le PSU, évidemment, ne suit pas. Donc on a une gauche éclatée, qui n'est pas éclatée en 69, qui est éclatée, qui est en miettes. Depuis 68, hein, ça fait penser à des événements récents. C'est plein d'échos, de toute façon, cette histoire est plein d'échos. Elle est complètement en miettes. Bon, donc de toute façon, ça part déjà mal. Et là-dessus, il a la candidature Power, qui le gêne, comme vous l'avez dit, sur sa droite, alors même qu'il a rejeté l'Union de la gauche. Et enfin, je crois que dans les deux cas, en 65 comme en 69, il se trompe de bataille. C'est-à-dire que ce qui le différencie d'un Mitterrand, c'est que fondamentalement, je pense qu'il n'a pas envie d'être président de la République. Ouais. Et ça compte quand même bien dans sûr, ce genre d'élection. Mais et par contre, il y va pas malgré lui, pour autant. Il y va pour de bonnes raisons, c'est qu'il veut adapter la gauche à la Ve République, à l'élection présidentielle et préparer l'alternance. Et donc il utilise l'élection présidentielle pour reconfigurer la gauche, faire un grand parti de la gauche non communiste, et il y va en 69 dans l'idée d'arriver devant les communistes, parce que tout le monde était convaincu que les communistes se ramasseraient à l'élection présidentielle. Vous ajoutez à ça le ticket malheureux avec Mendès, qui est pas du tout adapté aux institutions et qui donne l'impression... C'est ce qu'on dit dans le récit, voilà, évidemment, c'est incohérent. Et dans ce que vous avez passé, on entend que Mendès France, et on voit bien comment Mendès France prend la première place très vite, et donc évidemment, ça montre que de faire, on se demande ce qu'il fait là. Évidemment, il paraît vieux à la télé, donc vous ajoutez tout ça, et ben à la fin, il dégringolait, hein, et eux-mêmes disent... Heureusement que l'élection est arrivée, parce que sinon on finissait en dessous de 5%. C'est-à-dire qu'il voyait bien qu'il dégringolait de jour en jour, là où Duclos passe mieux à la télé, et où un certain nombre de suffrages socialistes et de gauche vont sur la candidature Duclos, parce que de faire à cette image de diviseur, lui qui voulait précisément unir la gauche non communiste. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui une campagne comme celle de Monsieur X? C'est marrant ça quand même, Monsieur X. Alors, Monsieur X, vous l'avez dit, c'est une opération de teasing, hein, c'est une opération commerciale, c'est une bulle médiatique. Ça a existé par la suite, je pense, à la façon dont Ségolène Royal s'est imposée à son parti au présidentiel de 2007. C'est vrai. Où on avait eu un effet de bulle médiatique exactement de la même c'est manière. Vrai. Ce qu'il faut... Enfin, c'est plus classique, mais c'est vrai. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que en 65, on ne connaît rien à cette élection. C'est une plongée dans le vide. Bien sûr. On ne sait pas quand il faut se présenter, comment on fait campagne, comment on s'oppose à De Gaulle. On ne sait rien. Donc on regarde vaguement aux États-Unis et on se lance. Il se lance évidemment trop tôt, mais il se lance. Cette bulle médiatique, elle est liée au fait qu'il a perdu le congrès de la SFIO en juin 63 et que du coup, il n'a pas réussi à convertir son parti à l'élection présidentielle. Donc en fait, l'opération Monsieur X, elle est destinée à jouer l'opinion contre la SFIO et à obtenir au forceps l'investiture de son parti. Ça marchera, hein, parce que il y pense depuis longtemps de faire, hein, on le sait, déjà en mars 63, il y a des réunions avec Servan Schreiber, Mitterrand et Mendès, et il est question d'une candidature de fer. Donc il y pense depuis un moment. Mais donc l'idée, c'est de faire plier la SFIO. Il le fera presque malgré elle, même s'il a des soutiens à l'intérieur de la SFIO, mais du coup, c'est l'origine de son échec, si vous voulez, parce qu'il est ligoté par un certain Guy Mollet, qui entend ne pas laisser la voix à De Fer et qui surtout qui ne veut pas entendre parler de cette élection. Bien, vous disiez tout à l'heure, alors Olivier, que vous étiez aussi attaché au côté romanesque de Gaston De Fer. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais je rappelle qu'il était le dernier à disputer en 1967 un duel pour l'honneur. C'était contre René Ribière, un parlementaire qu'il avait traité d'abruti. On n'a pas le temps de raconter cette histoire, mais au moins on sait qui s'est battu en duel. Merci infiniment, alors Olivier. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Gaston Defer, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.